En 1911, Charles Péguy publie « Le Porche de la deuxième vertu » qui se termine par l'extrait que je vous propose maintenant dans un hymne à la nuit qui évoque la mort du Christ en croix au sommet du Golgotha qui domine Jérusalem. Mais surtout, nuit, tu me rappelles cette nuit, et je me la rappellerai éternellement. La neuvième heure avait sonné. C'était dans le pays de mon peuple Israël. Tout était consommé, cette énorme aventure. Depuis la sixième heure, il y avait eu des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à la neuvième heure. Tout était consommé. Ne parlons plus de cela. Ça me fait mal. Cette incroyable descente de mon fils parmi les hommes, chez les hommes, pour ce qu'ils en ont fait. Ces 30 ans qu'il fut charpentier chez les hommes. Ces 3 ans qu'il fut une sorte de prédicateur chez les hommes. Un prêtre. Ces 3 jours où il fut une victime chez les hommes, parmi les hommes. Ces 3 nuits où il fut un mort chez les hommes, parmi les hommes morts. Ces siècles et ces siècles où il est une hostie chez les hommes. Tout était consommé. Cette incroyable aventure par laquelle, moi, Dieu, j'ai les bras liés pour mon éternité. Cette aventure par laquelle mon fils m'a lié les bras. Pour éternellement, liant les bras de ma justice, pour éternellement, déliant les bras de ma miséricorde. Et contre ma justice, inventant une justice même, une justice d'amour, une justice d'espérance. Tout était consommé, ce qu'il fallait, comme il avait fallu, comme mes prophètes l'avaient annoncé. Le voile du temple s'était déchiré en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre avait tremblé, des rochers s'étaient fendus, des sépulcres s'étaient ouverts, et plusieurs corps des saints qui étaient morts étaient ressuscités. Et enfin, la neuvième heure, mon fils avait poussé le cri qui ne s'effacera point. Tout était consommé. Les soldats s'en étaient retournés dans leurs casernes, riant et plaisantant, parce que c'était un service de fini, un tour de garde qu'ils ne prendraient plus. Seul, un centurion demeurait, et quelques hommes. Un tout petit poste pour garder ce gibet sans importance. La potence où mon fils pendait. Seules, quelques femmes étaient demeurées. La mère était là, et peut-être aussi quelques disciples, et encore, on n'en est pas bien sûr. Or, tout homme a le droit d'ensevelir son fils. Tout homme sur terre s'il a ce grand malheur de ne pas être mort avant son fils. Et moi seul, moi, Dieu, les bras liés par cette aventure, moi seul, à cette minute, père, après tant de pères, moi seul, je ne pouvais pas ensevelir mon fils. C'est alors, ô nuit, que tu vins. Ô ma fille, chère entre toutes, et je le vois encore, et je verrai cela dans mon éternité, c'est alors aux nuits que tu vins, et dans un grand linceul, tu ensevelis le centurion et ses hommes romains, la Vierge et les saintes femmes, et cette montagne et cette vallée sur qui le soir descendait, et mon peuple d'Israël, et les pécheurs, et ensemble celui qui mourait, qui était mort pour eux, et les hommes de Joseph d'Arimathie qui déjà s'approchaient, portant le linceul blanc.